Je fais violence à ma plume, plus la vie fait l'écume. Tant de tristesse à revendre, des mélancolies plein le ventre. Éventrer mes textes pour en faire des thèses. Mais ne sortez pas les mots du contexte pour formuler des hypothèses. Je ne prétends pas être un fou ni avoir été derrière les écrous. Je rappe la réalité de ma vie, pas de fiction dans mon récit. Je rythme mes écrits aux couleurs de mes péripéties. Je reflète dans ma rime mon état d'esprit présent. Demande à ma team, ils le confirmeront aisément. Ma culture évolue constamment au service d'une pensée imminente. On dira de moi que je ne suis pas objectif, car j'avance avec foi et pour les frères je reste combatif. Ma vision ne vaut pas grand chose, celle d'un homme qui ose. Je suis juste un petit partout d'une famille monoparentale. Je suis juste un petit partout souhaitant combattre ces diables donc convertis à l'islam. Je fais partie de ceux qu'on aime condamner. Je fais partie de ceux incessamment attaqués par profanation de mosquées ou sépultures taguées. Laissez-moi chanter ma vision, ma raison, mes prises de position. Laissez-moi rapper mes idées, libérer le poids de la pensée. Laissez-moi chanter ma vision, ma raison, mes prises de position. Laissez-moi rapper mes idées, libérer le poids de ma pensée. Je n'ai pas la prétention d'avoir la science infuse, c'est juste ma vision des choses que je diffuse. Tout comme l'OM, j'irai droit au but. Je passerai pas par quatre chemins pour dire la France est une contrée dirigée par des racistes invétérés. Inconsciemment, je deviens un être égoïste, attrapé dans le bain du système capitaliste. Ma vision est ce qu'elle est, une contestataire chevronnée. Mais moi, je ne rêve pas de rouler en Chevrolet. Je préfère avancer au pas, les pieds nus et sans regret. Condamné à coucher d'un rap mélancolique, mon cerveau est bloqué en gestation satirique. Retire le beat et laisse couler la mélodie. Juste assez pour ma plume et du répit. Ma plume et du répit. Laissez-moi chanter ma vision, ma raison, mes prises de position. Laissez-moi rapper mes idées, libérer le poids de la pensée. Laissez-moi chanter ma vision, ma raison, mes prises de position. Laissez-moi rapper mes idées, libérer le poids de ma pensée. Je vous cherche à comprendre, prendre le temps de regarder, d'entendre. Tant de la joue pour m'en prendre une. Une chose est sûre, c'est que j'aurai de la rancune. Ils veulent nous voir rester là, les bras fermés, encaissés, cela fermé. Vraiment j'aimerais ne pas dévier du chemin droit. Combattre le mal dans ce cheval de Troie. Il ne frappe jamais deux fois sans trois. L'individualisme est de droit, une véritable proie. Est-ce que vous tirez proie et soit retenu contre vous? Je n'attendrai sûrement pas qu'on vienne à mire mes droits pour me servir de ma voix, pour pisser sur vos lois. Moi je suis là pour dévoiler ma pensée dans son intégrité. Une vision chaotique, brûlée dans l'acide sulfurique. Loin d'un bain de soie, le monde dans un sale état. Voilà ce que je vois, voilà ce que je crois. Si tu cherches la contradiction de mes propos, tu risques d'être servi car j'évolue au fil de mes récits. Et mes textes collent aux mots, c'est clair que ma tendance n'est pas dans l'optimisme. Car ma préférence reste dans le réalisme. Car le monde part en vrille et faut que les esprits s'éveillent. On taxera d'utopie car je rêve de diversité ethnique. Dans un monde où on multiplie les rafles, dans un monde où les balles sifflent. Ouais, c'est la guerre et c'est des civils à terre. Des peuples qui paient le tribut, décision de l'ONU. Plus de terre à cultiver, elles sont toutes colonisées. Et les fruits Israël a haussé, pas plus de missiles à hausser. Les Palestiniens massacrés, les produits commercialisés. Des complices à l'Elysée, à la Maison Blanche et Euro Disney.